Yeah, ok. C'est Christo. Yeah. Ok. On présente Bordeaux à tous les frères qui m'écoutent. Yeah. Ok. Ok. Je me présente Christo, grand adepte du micro. Mon rêve est d'être rappeur pour parler de ma vie. Perdu entre le malheur et le bonheur, c'est ainsi que je prends ce récit de ma vie. Quand j'écris tout ce que je pense et je le dis, à travers mon rap et je m'adapte. À travers mon rap et je m'adapte. Est-ce que tu captes? Yeah, ok. La vie est bête, tu l'as compris. Par la suite, ce bas monde, on le méprise. Faut pas se mentir dans le cœur pour de vices. Le poussin et être amoureux tout en kiffant ses délices. La vie est belle, tu l'as compris. Par la suite, ce bas monde, on le méprise. Faut pas se mentir dans le cœur pour de vices. Le poussin et être amoureux tout en kiffant ses délices. Yeah. Je représente Bordeaux à travers mon micro. Ouais, gros, tu peux pas tester. C'est pas comme la vie de la tête, là-bas c'est pas le best, eux ils sont à l'ouest. Je représente aussi leur monde, ce nom, les objets à ses pieds. Je rappe comme si j'avais la dalle, mais je joue pas au tennis comme Rafael Nadal. Yeah. Je représente Bordeaux, yeah. Yeah, ok. Mentir dans le cœur pour de vices. Le poussin et être amoureux tout en kiffant ses délices. Yeah. Je représente Bordeaux à travers mon micro. Ouais, gros, tu peux pas tester. C'est pas comme la vie de la tête. Là-bas, c'est pas le best. Eux, ils sont à l'ouest. Je représente aussi leur monde, ce nom, les objets à ses pieds. Je rappe comme si j'avais la dalle, mais je joue pas au tennis comme Rafael Nadal. Yeah. Ok, je débarque juste dans les bases, ça va faire mal. Fais pas ton malin, sinon je te ragale. Écoute frérot, ça vient de Bordeaux. Yeah. La vie est belle, on l'a compris. Par la suite, ce bas monde, on le méprise. Faut pas se mentir dans le cœur trop de vices. Le poussin et être amoureux tout en kiffant ses délices. Yeah. T'es Christo. Ok. Tu représentes Bordeaux. Yeah. Yeah. Ok. Okay, so...